Clap, les abominables petits pieds dès le 28 septembre. Venom dès le 5 octobre. Chair de poule 2, l'Halloween hanté dès le 12. La haine qu'on donne dès le 19. Et Maria by Callas dès le 26. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, fidèle au poste, Marc Chaunet à l'animation, et on a une entrevue aussi avec les musiciens de Deep Project, un groupe de Québec là, qui vont venir nous parler de leur album. Là, le lancement, c'est dans deux semaines. Alors, j'ai une primeur pour vous ce soir en lien avec le 15e Festival Terra Incognita qui aura lieu les 17, 18 et 19 mai prochains. La 15e édition du Festival Terra Incognita, et il va y avoir le groupe américain Is qui va être là pour lancer leur nouvel album en plus. Alors, lancement d'album de Is, ça va se passer en mai prochain à Terra Incognita. En plus, ça a été annoncé là, cette semaine, il va y avoir les musiciens de ES Project qui vont être là à Terra Incognita en formule duo. Il va y avoir également le groupe de Montréal Inner Space. Les deux albums ont reçu de très bonnes critiques. Et Bjorn Riss de la Suède, Fido qui a déjà été annoncé, et Basta. Il y a encore d'autres groupes à annoncer. Alors ça s'annonce une belle édition. Et on y va en musique avec une pièce de Is de leur plus récent album. Là, ça date de 2016, Ampersand Volume 2, la pièce Ready to Go. Et après ça, on va voir les musiciens de Deep Project en entrevue. Et allez faire un tour aussi, je voulais dire, sur notre page Facebook pour avoir plus d'informations. Il y a plus de 1000 abonnés maintenant sur notre page Facebook. Et ceux qui sont abonnés vont pouvoir réserver leur billet aussitôt là, que ça va sortir pour... la vente officielle des billets pour Terra Incognita. Il y aura une primeur là, pour ceux qui sont abonnés à la page Facebook de Terra Incognita. On y va avec Is en musique et ensuite Dolly Project. Thank you. De retour, et ça c'était le groupe Is, et c'est de leur plus récent album Ampersand Volume 2, et comme je le disais, ben, ils vont être en mai prochain lancer un nouvel album. Parlant de lancer un nouvel album, on a le groupe de Lee Project, un groupe de Québec, et c'est donc Jean Gosselin et Stéphane Desbiens. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir, ça va bien? Oui, certain. Et puis là, vous lancez un album dans 2 semaines. C'est ça, le 13 octobre. Jour pour jour. Jour, jour oui. pour jour. Oui, on est le 13 aujourd'hui? Oui, oui. Ah oui, OK, jour pour jour. On n'est pas le 13, on est le 29. Mais c'est ça, exact. C'est dans 2 semaines, jour pour deux jour. 2 semaines, jour pour jour, c'est ça. Que vous lancez votre album qui a pour titre... Find Your Son. Voilà, Find Your Son. Puis vous avez même une vidéo... Oui, vraiment, oui. Qu'on a tourné ça à 40 été. Degrés. On a tourné ça en juillet, fin juillet, à 40 degrés, full soleil, pas de nuages, c'était fou, là. On le voit dans la vidéo aussi, qu'on dégoûte un petit peu. Ah oui, ça, j'avais pas remarqué du tout. Oui, vraiment, ben, on essaye de... Ah, oh, on est bien, mais finalement, on était... Ouais. La chaleur... Vous avez tourné ça à Québec, évidemment? Oui, oui, sur... pas loin d'ici, en plus. Oui, pas loin, à Limoilou, exact. Oui, à Limoilou. Oui, ouais, des images fantastiques, c'était ouais, super le fun. Oui, puis c'est un bon vidéo, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Ouais, le viol de, ce solo de violon de Isabelle Cormier, ouais. C'est assez impressionnant aussi sur cette pièce-là. Oui, c'est qu'il y a toujours eu du violon et là, on a mis encore plus dans cette pièce-là. Donc, on s'est vu il y a 3 mois, vous aviez commencé, en tout cas, vous aviez des maquettes, là, puis là, vous êtes rendu un produit. Après 3 mois, vous avez travaillé cet été fort là-dessus, j'imagine. Oui, absolument, on a passé l'été en studio. Et puis, on a fait 2 choses. Donc, on a travaillé l'album, on a terminé l'album, puis on a fait les pratiques pour le spectacle, c'est ça. Parce que vous faites 2 spectacles, là, un spectacle à Québec le 13, puis un autre spectacle à Paris. À Paris, le 27 octobre. C'est ça, exactement, dans un festival. Ouais, ça se place bien, ça, j'aime ça dire ça. Le festival s'appelle Prog en Beauce. Prog en Beauce. Et ce n'est pas la Beauce d'ici. Non, hein, c'est ça. On était mal allés, nous autres, ici. Mais c'est vraiment Prog en Beauce, c'est dans le coin de Paris. Là. Donc, exactement. Vous avez beaucoup pratiqué. J'imagine que vous êtes fier de votre. Vous avez terminé l'album, la masterisation est faite. Oui, avec Sandy Jackson, l'ingénieur de Pink Floyd qui a fait le son. C'est le 3e album qu'il fait avec nous. Mm-hmm. Avec nous. Ben oui, donc, on est très fiers et très contents aussi du résultat de l'album. Il faut dire que c'est votre 5e album, c'est ça? Oui, 5e album de Lee Project, oui, exactement. Mm. Hey, c'est impressionnant. On a une nouvelle pièce là, qu'il n'a jamais jouée, ouais, que vous voulez nous présenter. En primeur aujourd'hui, oui, aux auditeurs de Terra Incognita. C'est la pièce Crude Reality. Donc, ça parle un petit peu de ce qui se passe dans le monde politique, un petit peu. Là. On est un petit peu politisé, mais... Donc, ça parle vraiment de politique et de situation. J'ai entendu qu'il y avait du saxophone dans ça. Oui, tu disais qu'il y avait un artiste invité. Oui, de... oui. Ben, sur l'album, il y a beaucoup d'artistes invités qu'on va parler, je pense, un petit peu plus tard. Oui, après cette pièce, on peut en parler un peu plus longtemps de votre album. Là, oui. Et on a des artistes aussi, bien sûr, québécois. Il y a beaucoup. L'instrumentation est là. On a des flûtes, du violon, violoncelle, basson. Tous des musiciens, c'est ça, de Québec ou de la région là, mm-hmm. du Québec là, ah ouais. aussi. Wow, intéressant. Oui. Ben, on a du drum aussi. Hein? Ah oui, vous avez du drum. Ah ouais, on a du drum. Là, c'est ouais. moi qui joue. Hein? C'est moi qui joue. Ouais, ouais, depuis le deuxième puis album, le... c'est Jean qui. Ouais. qui puis, donc, vous êtes quatre musiciens. Il y a Isabelle Cormier. Et il y a ton fils qui fait la basse. À la basse, son nom? Philippe Desbiens. Philippe Desbiens, voilà. Donc, le nouveau membre. On a rajeuni un petit peu l'âge du band. Exact. Mais on le voit dans la vidéo. C'est assez impressionnant. Pour ceux qui veulent aller sur votre page Facebook, on va pouvoir le faire. TheDeepProject.com, vous pouvez voir le vidéo qui est là aussi. Exact. Là. On va y aller donc avec la pièce Crude Reality, puis on se reparle tout de suite après cette pièce-là. Merci. As they suggest evidence and shape new policies, they topple governments and sleep with the enemies. It's the crude reality. It's the crude. Silver bullets and justify invasions, manipulate markets under new coalitions. It's the crude reality. It's the crude reality. Crude reality. It's the crude. National security. They propose new targets to the defense committee. It's the crude. De Québec, le groupe The Deep Project sur les ondes de CKRL. Ça sonne bien finalement. Hey, c'est très bon. Hein, c'est le son renouvelé de The Deep Project. Ouais, c'est ça. C'est... Avec Crude Reality. Non, c'est vraiment, vraiment bon. Merci, comme tu Marc. Disais, il y a des contributions de plusieurs musiciens quand même québécois sur ça. Oui, il y a beaucoup de musiciens québécois. Puis peut-être, je dirais même. Proche d'une dizaine, tu sais, avec toute l'instrumentation que ça implique. Et puis on a aussi des musiciens qui viennent de l'extérieur, dont Fred Chandel de Glasshammer, qui est, je pense que ça fait trois fois qu'il collabore avec moi. Tu sais, on a vraiment une bonne chimie entre moi puis super clavieriste, super bon groupe, vraiment sympathique. Et puis il y a, je voudrais m'en souvenir. Il y a Peter Falconer de Drifting Sound. Je ne sais pas si c'est un groupe anglais de musique pro. Et puis, il y a Romain Torel de Lazuli de France. Ah, oui. Donc, il fait un beau solo de corps français. Ah ouais. Et c'est pas payé pas mal. Wow. On pourra se procurer cet album-là au lancement, dans deux semaines exactement, le 13 octobre. Dans deux semaines, exactement. C'est à la Margelle, au Cégep de Sainte-Foy. Exact, ça va être la Margelle. Les billets sont en vente sur le pointdevente.com. 15 $ présentement en pré-vente, 20 $ à la porte. Oui. Et je pense, Steph, l'album, dès que tu achètes le billet sur le point de vente, tu peux avoir la combinaison. C'est 25 $ pour l'album. Et exact, parce qu'il sera officiellement lancé le 13. Donc, on va l'avoir en main, tout chaud. On ne l'a pas encore. Ouais. Et il y a une première partie aussi qui est avec Inner Odyssey. Un très bon band de Québec. Ben oui, absolument. En fait, vous êtes les deux groupes de Québec présentement qui sont les plus actifs. Je pense que oui. Il y en a d'autres... en tout cas, il y a plusieurs d'autres, là, mais... De Québec, Il n'y en a pas tant que ça. Il faut aller à Montréal, et puis après ça, il faut aller à l'extérieur. Exact. Mais on a vraiment hâte de ce show-là, parce que le 13, ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus. Oui, ça fait un L'album, les pratiques et tout ça, en vue aussi du festival en France, donc c'est vraiment... un événement qui n'a pas manqué le 13 octobre, là, vraiment. Mais tout ça, votre agenda, puis achetez les billets. Mesdames et messieurs, comme vraiment. La lutte. vraiment. Allez, mais moi, je vous propose d'écouter justement la pièce Find Your Son. C'est la pièce titre, puis c'est celle-là justement avec laquelle vous avez fait une vidéo. Ouais. On voit des images qui sont tournées ici à Québec. Oui, on l'a trouvé, notre soleil, Find Your Son. En là, plus, cette journée-là, En plus, vous avez une belle journée ensoleillée. Exact. Et chaude. Oui. On propose d'écouter ça tout de suite. Maestro va nous enchaîner Find Your Son, puis on se reparle juste après ça. Là, oui. We'll be right back. de Deep Project, Find Your Son. C'était la pièce titre. Hein? Je l'aime, celle-là, moi. Ça rentre dans la tête, en tout cas. Ah oui. C'est, ouais. Ah oui, c'est très bon. Alors, à quoi on peut s'attendre là, au spectacle là, qui s'en vient? Comme on le disait, là, c'est dans deux semaines. On a plein de surprises le 13. Là. On a plein d'affaires qui s'en viennent. Puis, on a pratiqué fort sur une espèce de setlist où on fait... Rétrospective ouais. de Deep Project. Ça fait qu'on va piger vraiment dans tous les albums. Fait qu'on sort le meilleur de chaque album pour mettre ça, pour condenser ça. Et on a une super surprise. Ouais. À la fin, on fait un super cover. Vraiment super, là. Qui vaut juste ça vaut le déplacement. Donc, on a travaillé fort parce que c'est quand même assez beaucoup de pratique là, à faire. Là. Ouais, oui, ça doit. C'est une pièce, on peut le dire, du groupe King Crimson, mais on dit pas... Lequel? On dit pas lequel. On dit pas lequel. Voilà. Wow. On travaille fort encore. Oui, on travaille fort encore dessus. Oui, vraiment. Ah, puis c'est vraiment pas cher, 15 piastres, 15$ pour les... Oui, 15$ en pré-vente. Là. En pré-vente. Absolument. Sinon, 20 piastres à la porte ou 25 ouais. piastres, on a l'album. Exact. C'est ça. Exact. Ouais. Puis en fait, l'album va être en vente aussi sur place pour les gens qui ne peuvent pas lâcher d'avance. Tu sais, y a pas de c'est problème. Ça. Et il y a même des t-shirts. Oui, il y a plein de faire. Le gros kit, là. Vous avez préparé, là. Vous allez pouvoir traîner ça aussi dans votre voyage en Europe. Oui, absolument, absolument. Oui, on va tout traîner ça. Les albums, ben, pour les gens t-shirts. Justement, pour les gens qui veulent là, voir des informations sur Deep Project. Oui, mais ben, en fait, il y a le site web de deepproject.com. Donc c'est accessible à tout le monde. Puis alors, on l'a revampé. Stéphane a travaillé fort là-dessus. Donc, on peut voir tous les albums qu'on a fait, on peut voir les vidéoclips, on peut voir les reviews aussi ouais, qui ont été apportés là-dessus. On a le Facebook qui est actif, on a l'Instagram aussi, donc très actif. On travaille très, très fort là-dessus. Puis les gens qui veulent savoir ce qui se passe, ben suivez-nous parce que je pense que ma blonde, Sophie, elle travaille bien fort là-dessus. Ouais, elle met ça sur un jour. Elle est pas mal bonne en plus. Elle travaille très, très fort. Fait que, on s'arrange pour être sa coche. Puis, il ne peut pas manquer de rien. Là. Tout ce qui se passe avec des projets, même les pratiques qu'on fait, sont souvent sur Instagram. Ils sont filmés. Ils sont filmés, ils sont en direct. Fait que, on ne peut rien manquer. S'il y a des notes croches, ben, vous voyez nos faiblesses. Exact. Oui, non, ça se passe bien ce côté-là. Vraiment. Ouais, c'est super. Donc, c'est un spectacle qui n'a pas manqué. Oui. Soyez-y. Ouais, juste avant de partir, je sais que ça va vite là, puis après ça on va aller aux publicités. Ben oui, exactement, exactement. Juste avant, j'ai un souhait d'anniversaire, puis là, écoute, il y a des auditeurs qui nous écoutent, puis ma fille, Maud Gosselin, elle nous écoute là, et avec sa petite chomette là, Ariane Trudel, c'est sa fête aujourd'hui, 16 ans. Ben bonne fête. Fait qu'on en profite pour lui souhaiter bonne fête Des nouveaux fans. Exact, ils vont être là en plus le 13, eux autres là. Fait que c'est parfait ça. Parfait. C'est bon, c'est une nouvelle clientèle. On va y aller en pub, puis je vous remercie d'être venu à l'émission, puis de nous avoir présenté une nouvelle pièce. On a hâte d'entendre les autres. On va pouvoir le savoir dans deux semaines. Absolument. En allant vous voir en spectacle. Vraiment. Puis merci, Marc. Sinon, c'est deepproject.com. Voilà. Si jamais il y en a qui manquent ça. Et ben ça fait toujours plaisir de vous voir, les boys. Oui. Puis nous, on accepte toute l'invitation. Hein. On est appelés, on vient, c'est sûr, sûr, sûr. On vous aime. Cool. Merci. Allez, ben, à bientôt. On se voit dans deux semaines. Bye bye. Merci. 89 CKRL. Québec. La 28e édition des Rendez-vous Estrade de Québec du 4 au 8 octobre dans plusieurs salles de la ville. Mettant en vedette, entre autres, Yves Lambert Trio, Les Chauffeurs à pied, ainsi que des artistes de la Bretagne et du Pays Basque. Ce sont plus de 40 artistes porteurs de tradition qui se joignent pour offrir 5 jours de musique traditionnelle. Au programme, activités familiales, concerts, ateliers, lancement d'albums, veillées de danse traditionnelle, randonnées chantées, joutes chantées et jam de fin de soirée. Découvrez toute la programmation sur estrade.qc.ca, un festival qui présente une vision contemporaine des traditions musicales d'ici et d'ailleurs. À découvrir cet automne au Palais Montcalm Maison de la Musique, le virtuose de la contrebasse Petros Klampanis le 18 octobre, la brillante chanteuse jazz Elizabeth Shepherd le 26 octobre et encore du jazz avec la talentueuse chanteuse canadienne Holly Cole le 3 novembre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les remparts, le Rouge et Or, les capitales, le sport scolaire et professionnel. Première loge sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard en compagnie de Marie-Pierre Gosselin et de nos différents chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30. Première loge sport. Et de retour à Terra Incognita sur les ondes de CKRL. Alors, donc ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était évidemment une entrevue avec le groupe Dolly Project de Québec. Et comme je le disais, pour ceux qui auraient manqué le début, là, j'annonçais en primeur que le groupe IZ, un groupe américain que j'adore, va être à la convention au Festival Terra Incognita, 15e édition. 17, 18 et 19 mai prochains avec Inner Space, Beyond Riss, Fido, Basta, Highest Project et d'autres groupes à annoncer. Allez faire un tour sur notre site www.terraincognita.québec, puis vous aurez aussi accès là, aux listes des pièces qu'on fait jouer, les contenus musicaux et les podcasts de l'émission. Alors, on y va avec... On a plusieurs nouveautés ce soir, même une pièce en primeur. Comme nouveauté, le nouveau Riverside. Riverside, ce groupe polonais, c'est leur 7e album. Ça vient de sortir hier. Wasteland, leur nouveau... C'est leur 7e album. Et franchement, il y a un mélange, un bon équilibre, je dirais, entre le côté lourd qu'il y avait dans les débuts et le côté plus doux un peu, peut-être, si on veut, qui est dû peut-être au départ du guitariste là, qui est décédé. Et je pense que le groupe offre un de leurs bons albums. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est une pièce qui est un peu différente des autres, premièrement parce que c'est la seule qui est instrumentale. Elle est assez prog, là. Vous imaginez que j'ai choisi celle que je trouvais la plus prog, si on veut. Mais il y a également la pièce titre aussi, qui est une pièce longue, qui est très bonne, qui est chantée. Et les autres sont plus au format chanson, si on veut. Un bel album, mais sombre, évidemment. Ben, je pense que c'est les propos de Riverside. Et on va poursuivre avec justement cette primeur, Sanguine Homme. C'est un groupe britannique. Michel en avait parlé sur la page Facebook, d'ailleurs, qui a atteint plus de 1000 abonnés cette semaine. Donc, il parlait de Sanguine Homme, qui vont faire paraître leur nouvel album. Ça, c'est le 12 octobre prochain. C'est l'album Now We Have Power. Et c'est un groupe qui a été fondé en 2008 à Oxford, au Royaume-Uni. Et c'est leur 4e album, Sanguine Homme. On aura une pièce instrumentale, Skydive de Sanguine Homme. Et on aura plein de bonne musique qui s'en vient. Alors on y va avec ces deux-là. Et on aura également le groupe Moon Particle. Oui, c'est un groupe qui est formé de musiciens qui ont travaillé avec Steven Wilson en tournée. Et je vous en reparlerai parce que ça nous est offert par le magazine Progressiste, le nouveau numéro. Je vous en parle un peu plus tard dans l'émission. On y va donc avec le nouveau Riverside, Sanguine Homme et Moon Particle. We'll be right back. the shepherd herds the sheep. He protects them for the meat. We bleed, we bleed. CKRL. Laissez-vous impressionner par le souffle rebelle que Beethoven insuffla à son troisième concerto. Le pianiste français Cédric Stébergen rend hommage à ce tournant radical qui marqua la carrière du grand compositeur. Ce mercredi 3 octobre à 19h30 au Palais Montcalm. Hydro-Québec, partenaire de saison. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mardi de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et en prestation au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez même repartir avec des prix de présence. Sortie culturelle, c'est le mardi de 17h30 à 19h30 à CKRL 89.1. Salut, ici Dominique Girard. Dimanche le 30 septembre, j'animerai la course Cité Limoilou en direct. Située en plein cœur de Limoilou sur la 3e avenue, cette course regroupe des épreuves de 1, 5 et 10 km où jeunes et moins jeunes tenteront de se surpasser. Entrevues, résultats, animations et plaisirs seront au menu. C'est donc un rendez-vous le dimanche 30 dès 9h à CKRL. Et de retour avec Bruno et Marc. Et l'émission Terra Incognita, ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était le groupe américain Fido. Fido, en tout cas, ça dépend comment on le prononce, si on est très québécois. Et donc, leur plus récent album, Infernal, c'est un album double. Et ça, c'était la pièce The Order of Protection 1, Part 1. Et ben Fido, comme vous savez, on aura la chance de les voir là, à Québec en mai prochain, dans le cadre du Festival Terra Incognita. Et juste avant, c'était Moon Particle. En fait, j'ai découvert ce groupe en lien avec le magazine Progressiste numéro 93. Il y a une compilation qui vient avec ça. C'est ce qu'ils appellent les Indispensables. Il y a également une compilation qui est du magazine New Species qui vient avec ça, du Classic Rock Society. Voilà, la compilation qui porte le titre de New Species numéro 33. Et donc, sur le progressisme, il y avait cet extrait de Moon Particle. Moon Particle, c'est leur premier album intitulé Hurricane Esmeralda. Et ce sont des musiciens qui ont joué en concert avec Steven Wilson, donc Alan Holtzman, Nico Tsonek, Théo Travis, Craig Brundle. Il y a des parties jazz, comme on a pu le voir, des parties plus rock. Sur Moon Particle, et c'était la pièce qu'on a écoutée, ils ont des titres assez originaux, la pièce Michelangelo Don't Stop, voilà. Et il y avait juste avant Sanguine Homme, ça va paraître là, dans deux semaines, la pièce Skydive de leur album Now We Have Power. Et on avait débuté avec la nouveauté de Riverside, ça s'est paru hier, tiré de leur nouvel album Riverside, l'album Wasteland. Et c'était la pièce The Struggle for Survival. Alors dans le prochain bloc, on a une nouveauté italienne, mais ça sonne pas du tout rock progressif italien. D'ailleurs, la maîtrise de la langue anglophone est à s'y méprendre. On pourrait penser que c'est un groupe britannique ou américain. Livestream, c'est leur premier album, un album intitulé Diary. Et on a une superbe pièce intitulée Over the Rippling Waters de Livestream. On ira également avec le groupe Glaston, ça aussi c'était sur la compilation de Progressist. Et c'est de la Suisse, c'est leur premier album paru l'an dernier, l'album Inhale Exhale de Glaston. Mais on y va tout de suite en musique avec cette nouveauté italienne Livestream. We'll be right back. Throw le groupe suisse Glaston. C'est leur premier album Inhale Exhale. C'est paru en 2017. Ils sont de la Suisse, comme je le disais. Et c'est leur premier album. Il y avait des mini-albums qui étaient parus avant. Et ça, c'est offert sur la compilation qui vient avec le magazine belge Progressiste numéro 93. Et c'est la pièce Game of Tones. Juste avant, le groupe italien Livestream. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est leur premier album également. Et c'est tiré de leur album Diary. C'était la pièce laissez-moi vérifier le nom de cette pièce. Une longue pièce. En tout cas, vous irez faire un tour sur notre site web www.terraincognita.québec pour avoir la liste de toutes les pièces qu'on fait jouer. Et on y va en musique juste après la pause maintenant avec une autre nouveauté. C'est de la Suède, le groupe Gösta Berlings Saga, qui viennent de faire paraître un premier extrait de leur album qui va paraître dans 2 semaines, le 12 octobre, leur 5e album intitulé Et X. Ça sera tout de suite en revenant de la pause. Également, le groupe de Trois-Rivières Circus a réenregistré leur album. C'est un album double, là, l'album Wild Dogs. Et on aura un extrait de ça. Mais ça, c'est en revenant de la pause. CKRL. Nouveauté chez Slam Disc, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot. Le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des passes élevées. Octoplot, disponible maintenant partout. Édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Amateurs de cidre, cet événement est pour vous. Le 17 octobre prochain, la Corrigan reçoit Émile Robert de la cidrerie Somnambule. Au menu, 6 cidres artisanaux à déguster tout en apprenant sur le plus qu'intéressant univers de la pomme. De très beaux produits du Québec et d'ailleurs à vous faire découvrir. Mercredi le 17 octobre 18h, 380 rue Dorchester, c'est un rendez-vous. Un atelier, 6 cidres, 25$. Billets en vente au corrigan.ca. Le Théâtre Premier Acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le Collectif du Trottoir, présente la pièce « Celle qu'on pointe du doigt ». Ça se lit pas toujours dans notre face, mais quand on les voit, les criminels à la TV, ils ont toutes des faces de pas de bon sens. Des dents qui se peuvent pas, des yeux cross-eyed, ben des crânes de macaque. Quoique je peux comprendre que quand t'as été le dernier à piger dans le sac à face, ça se peut que tu sois prédisposé à vouloir sauter un plomb. Mais moi, je le sais pas ce qui m'a pris. « Celle qu'on pointe du doigt », du 2 au 20 octobre, premieracte.ca. thousands to fight. Don't aid us down. I pray to the gods to survive. I'll give my blood to my Lord, to the glory that leads us upward in heaven, where angels live, where there's no more fear. In the light I hear the noise of raging horses on us, swords asking for blood. Our hands are holding tight. I'll take my bow to survive. My veins hold tight. Stop them down the walls, they'll feed the ground in the soil where roots are faint and there's no more hate. pictures in a light. Tonight, out of might, out of fright, out of sight. This place is not home. Thank you.